Quand on est mort, c'est pour la vie, sauf quand on est poète. Cette année, on fête les 100 ans de Boris Vian. Bon anniversaire, Boris Vian. 39 ans à épuiser un cœur trop fragile et 61 ans à faire vibrionner un cœur vaillant parmi les anges éternels de la musique et de la chanson et de la littérature. Enlevé, comme on dit, à l'affection des siens en juin 1959, mais toujours présent dans le cœur des lecteurs qui lui gardent un attachement éternel. Boris Vian est tellement vivant que certains ont cru voir son sosie dans le visage du président de la République. Moi, ça ne me saute pas aux yeux. Comme on ne peut pas imaginer un vieux Jésus disparu, crucifié à 33 ans, on ne peut pas concevoir un Vian vieillissant, mort au ciné, à 39 ans. Boris, à propos, sort un nouveau livre, commencé au début des années 50 pour la série noire de Georges Duhamel, mais jamais fini. Boris avait écrit les 4 premiers chapitres, puis était passé à autre chose, une chanson, un opéra, une invention, un article sur Duke Ellington, un air de trompinette. Commencé, jamais fini, le livre sort chez Fayard. Ce mois-ci, on n'y échappe pas. C'est le titre. Des copains de Boris, qu'il ne connaissait pas de son vivant, lui ont prêté main forte de son mourant. Attention, il y a quand même plus de Boris Vian dans son livre inachevé que d'écrits d'hommes politiques ou de footballeurs dans n'importe quel livre signé par un homme politique ou un footballeur. L'esprit de Boris, libre et libertaire, traverse le livre. On n'y échappe pas. Couverture de Clémentine Mélois, 18 euros TTC prix France, édition Fayard. Artem Fayard, précisément. Je signale à propos que demain, samedi 25 janvier, est la fête des Artem. N'oubliez pas de souhaiter sa fête à Artem, si vous en avez un dans vos relations, car c'est une rareté. Depuis 1940, aucun enfant en France n'a été prénommé Artem. Existe-t-il un seul auditeur de France Inter prénommé Artem? On n'en sait rien. Si c'est le cas, merci de nous le faire savoir. Il s'agirait d'une personne qui aurait entre 80 et 120 ans, puisque le prénom Artem a été donné à 60 enfants entre 1900 et 1940, et depuis, plus rien. Ce qui est dommage, car les Artem ont la réputation d'être disponibles et intelligents, capables de faire preuve d'abstraction. Bonne fête aux Artem et bon anniversaire à Boris Vian, qui a toujours bon pied, bon œil, vu qu'avec ses nouveaux amis de l'Oulipo, on n'y échappe pas, il sort un livre avec des meurtres, un assassin, une main artificielle et des histoires d'amour. Quand on aime, on a toujours 100 ans.